Bonsoir. Je voudrais remercier Isabella et Orlando et la médiathèque d'Issy les Moulineaux de m'avoir fait signe pour présenter un auteur. Et je dois dire que c'est un exercice extrêmement intéressant que d'avoir à essayer de d'élire une figure sur laquelle on pourrait parler, et comment d'ailleurs la choisir, et comment ensuite en parler, et que va donner ce retour, parce que parfois ce sont des figures que l'on a oubliées et que l'on rameute comme ça, que l'on va rechercher. Des figures sur le travail desquelles on va se repencher, que l'on va relire, que l'on va regarder à nouveau. Et j'ai choisi d'évoquer assez librement la figure d'un auteur qui est encore très trop confidentiel, qui est Louis-René Desforêts. Louis-René Desforêts, j'ai choisi de l'évoquer pour plusieurs raisons, les trois se résorbant en une seule un peu plus importante, qui est qu'il me donne l'occasion de parler par biais aussi de mon rapport à la littérature et de mon rapport à l'écriture et de ce qui se construit pour moi dans l'élaboration des fictions que j'écris. C'est-à-dire que je me disais, ce qui est intéressant dans cette sollicitation, c'est d'essayer d'expliciter un rapport, une relation que l'on entretient avec un auteur, et non pas, j'allais dire, de la saisir en elle-même et, vous voyez, de faire une espèce d'exposé sur Louis-René Desforêts. Chose dont je ne me sens pas forcément capable, ni très légitime. En revanche, ce que je peux dire et ce que je peux chercher à élucider, c'est le rapport, la relation que j'ai eue avec cet auteur. Et en fait, si je l'ai choisi, c'est aussi parce que c'est une relation qui me semble assez intéressante. D'abord parce que c'est une relation qui n'a pas toujours été la même. Et je dois dire que j'ai d'abord été un auteur assez fasciné par la figure de Louis-René Desforêts. J'ai eu avec lui un rapport, enfin avec ses écrits, un rapport de fascination. Et je dois dire que je me suis sentie à un moment donné magnétisée par son écriture, par sa langue, par son univers, et comme aspirée dans un centre de gravité qui était son œuvre. Et ça a été un premier temps, et en plus c'est un premier temps qui est intervenu dans un moment spécial de ma vie sur lequel je vais revenir. Puis il y a eu en fait un temps qui a été un temps d'éloignement, c'est-à-dire après cette période de fascination assez intense, c'est un auteur je me suis sentie un peu déjetée sur les bords de la spirale d'une certaine manière, hein, et je me suis éloignée de cet auteur, je l'ai moins lu. Je l'ai moins convoqué, et c'est vrai que j'ai eu le sentiment finalement de le laisser dans un lointain, mais voilà, le lointain de l'autre, c'est encore sa présence, donc c'est aussi une façon d'être en rapport avec quelqu'un. On n'a pas forcément besoin d'être tout près. Et après avoir été comme ça tout près, assez collé, c'est plutôt quelqu'un que j'ai laissé de côté, que dans un lointain. Et il se trouve que très récemment, à l'occasion d'ailleurs de l'écriture de Réparer les vivants, c'est un auteur qui est revenu en fait, qui a fait retour dans ce que je pouvais lire, et notamment par un livre qui, à mes yeux, demeure le livre qui résorbe aussi toute l'admiration, puisque c'est un peu un exercice d'admiration aussi que je fais ce soir, qui est Ostinato. Et je dois dire que c'est assez intéressant pour moi d'essayer de retracer, d'élucider avec vous cette espèce de battement à trois temps qui décrit ma relation avec cet auteur, c'est-à-dire un battement qui inscrit aussi pour moi une influence, une tension, une trace. Mais vous voyez, je n'ai jamais été dans la fan absolue, l'inconditionnel. Je n'ai pas un rapport de fan à Louis-René Desforest. J'ai plutôt une relation avec cet auteur, et notamment avec ses livres, qui s'est construite sous la forme d'une respiration. Hein, vraiment, c'est-à-dire quelque chose de très intense, puis un éloignement et puis une forme de retour. Alors la première chose que je voulais préciser, ce qui est intéressant pour moi, c'est que, et je m'en suis rendu compte alors pour le coup en travaillant un peu ce propos, en réfléchissant à ce propos, c'est que j'ai commencé à lire Louis-René Desforest, je dois même dire que je l'ai découvert au moment où j'ai commencé à écrire. C'est-à-dire que finalement, la parution d'Ostinato, c'est 97, et c'est le moment où, finalement, 96-97, je suis en train d'écrire un premier roman qui est « Je marche sous un ciel de traîne ». Et donc, je ne connaissais absolument pas cet auteur, qui est à l'époque un auteur dont je vais entendre parler par les recensions qui vont être faites d'Ostinato, dont la sortie va faire quand même beaucoup de bruit, puisque c'est un auteur qui a à l'époque 79 ans, Louis-René Desforest est né en 1918. Donc on est à la fin du siècle, c'est un auteur, c'est un vieil homme. Et la sortie de ce livre assez éblouissant va susciter quand même un intérêt très important de la part des journalistes. Il va y avoir des recensions, des essais critiques. Enfin, ce livre va être extrêmement salué et va être extrêmement salué aussi comme catalysant l'œuvre et quelque chose aussi de la prose d'un homme, une prose qui quand même a commencé à s'élaborer 40 ans plus tôt. Hein. Donc, je devine, à la manière dont on en parle, à la façon dont je le découvre, qu'il s'agit à ce moment-là d'un auteur mythique, ce qu'on peut appeler une espèce de figure, une figure de grand écrivain, dont je sais seulement qu'il vit à Paris, dans le centre de Paris, plutôt vers Saint-Sulpice, et que c'est un homme que l'on dit extrêmement secret, qu'il habite une retraite de silence, d'exigence, et on sait aussi que ce qui émane aussi de ce que je sais de lui, si peu d'ailleurs, c'est que ce silence et ce retrait n'est jamais une posture, dans la mesure où néanmoins c'est quelqu'un qui donne des entretiens et qui est assez attentif à la façon dont son travail est envisagé, puisqu'à l'époque il y a déjà des essais critiques de Maurice Blanchot ou des essais de Dominique Rabaté ou de Jean Roudot, etc., qui paraissent sur lui, et c'est quelqu'un qui est assez attentif à ça. Donc il n'est pas pétrifié dans sa crypte solennelle, c'est quelqu'un qui est dans une forme de silence, mais qui en sort volontiers pour parler de son travail. Ce qui le caractérise, et c'est quand même dans sa présence publique, c'est effectivement la rareté, l'économie, la pudeur, etc. Et donc moi, je découvre Louis-René Desforest par Ostinato, qui est publié au Mercure de France. Hein, donc le livre est là. Et donc, immédiatement, ce qui est étrange pour moi, donc je m'intéresse à lui, c'est de comprendre comment, quel est le paradoxe qui anime cet homme. C'est-à-dire que finalement, c'est quelqu'un qui devient extrêmement présent dans un univers malgré tout assez fermé qu'est l'univers littéraire, l'univers des éditeurs et des écrivains. Il me semble au départ que c'est un auteur pour les écrivains, un écrivain pour les écrivains. Et comment cet homme qui est tellement méfiant du langage, articule tellement sa prose, son écriture au silence, comment est-ce qu'il a pu inscrire une trajectoire si intense et si forte, alors finalement qu'il se situe à rebours de toutes les démonstrations publiques de ce qu'on pourrait appeler la société du spectacle. On en parle comme voilà, d'un auteur admirable, rare. Et évidemment, quand je lis ce livre, je suis assez médusée. Alors, je vais le présenter assez rapidement. Ce qui est assez fascinant chez Louis-René Desforest, c'est que c'est une vie qui me semble être une vie très française. C'est un homme qui est né en 1918 à Paris. Sa famille a des origines près de Bourges et dans le Berry. C'est son œuvre conserve jusqu'à la fin, pas jusqu'au dernier. Quelques fragments, et notamment manifeste comme ça une forme de sensibilité à la nature et notamment à ce qui pourrait être des images de campagne. Il y a des images de campagne, évidemment, dans les livres de Louis-René Desforest. C'est une enfance parisienne et c'est assez rapidement un jeune pensionnaire, puisqu'en 1927 il rentre au pensionnat dans un pensionnat religieux qui se situe en lisière de la forêt de Fontainebleau, et c'est un pensionnat qui prépare qu'il prépare à des études secondaire, qui prépare notamment à la marine. Là je le précise parce qu'il y a quand même tout un lien à la mer dans l'œuvre de Louis-René Desforest. Et puis à 14 ans, vers 1932, il revient à Bourges, puis part à Saint-Brieuc et enfin fait des études de droit et de sciences politiques à Paris. Alors, de cette formation, il ne dira pas grand-chose. Il dira toujours que ses études étaient pour lui une sorte d'alibi, une manière d'habiter l'existence, en fait. Son intérêt, on croit le comprendre, c'est étant très tôt, plutôt porté sur la musique. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important pour bien comprendre cet auteur. C'est le rapport qu'il entretient à la musique. Et d'ailleurs, dès 1936, donc à ce moment-là, il a 19 ans, il écrit des chroniques musicales. Il m'importe en fait de souligner ce rapport à la musique parce qu'évidemment ostinato est un terme de musique et quand même toute l'œuvre de Louis-René Desforest et le moindre de ses textes parus en revue est toujours irradié par une tension qui a quelque chose à voir avec la question de la voix ou de l'oralité ou de la musique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui participe de la fascination qu'on peut avoir pour lui. Et je pense que c'est un des premiers lieux où se loge finalement un espèce de rapport que moi j'ai avec cet auteur, dans la mesure où sans doute... est-ce quelque chose de lui que j'ai importé dans mon travail ou parmi toutes les choses que j'importe dans mon travail et toutes les influences et toutes les traces des autres que j'importe dans mon travail, mais il y a quelque chose qui est très important, c'est ce rapport à l'oralité et la question de la voix dans la littérature. Donc en fait, il commence comme ça, il fait des études de droit et il écrit sur la musique. Et puis c'est aussi 20 ans, alors il se fait des amis et notamment un ami qui est important pour lui, qui est Jean de Frotté, qui est quelqu'un qui va beaucoup compter pour lui. Bon, en 39, il est mobilisé. Voilà, c'est un garçon qui a à ce moment-là 21 ans. Il est mobilisé, il part à Metz. Et puis, finalement, il va vivre voilà, cette espèce de débâcle française. Il va se retrouver démobilisé en Dordogne, je crois, à la fin de l'année 40. Et il va rentrer chez lui dans le Berry après cette espèce d'épisode qu'on appelle la drôle de guerre. De cela, il sera quand même question par trace. Mais c'est plutôt la période suivante qui va beaucoup le marquer, qui est la période de la résistance. Parce que finalement, il va entrer dans des réseaux de résistance. Alors, il est très jeune, ça se fait quand même assez à tâtons. La fin de la guerre, enfin, je veux dire, de 40 à 44, pour lui, c'est un temps... que je trouve extrêmement paradoxal, puisque c'est le temps où vont être publiés ses premiers écrits. Hein. C'est quelqu'un qui publie son premier livre en 1943 pendant la guerre. Hein. C'est le premier livre qui s'appelle Les Mendiants. Et en même temps, c'est le temps des deuils. Alors c'est-à-dire que Jean de Frotté est fusillé par les nazis en 1944, je crois, il a 26 ans. Et par ailleurs, son père meurt, le père de Louis-René Desforest meurt, et son frère Gérard meurt également, je crois, dans le siège de Belfort. Mais alors vraiment à la fin, je crois qu'il a fait débarquement en Provence, et puis il remonte, et au siège de Belfort, il se fait tuer. Et donc, ce qui est incroyable, c'est que cette période troublée de la guerre est à la fois un moment pour lui d'engagement politique, éthique, personnel. C'est également le moment où il va faire ses premiers pas. Enfin, il va quand même publier son premier livre, qui va être immédiatement suivi par Le Bavard, dont on va parler. Et c'est le moment, donc c'est des moments très forts sur le plan personnel où on s'engage, et on s'engage aussi en écrivant, hein, dans la littérature, surtout que ce premier texte, Les Mendiants, est un texte assez avec une forme assez radicale. Ce sont des monologues, c'est pas du tout, si vous voulez, un roman avec un récit et une narrativité simple. C'est un roman d'ailleurs qui est salué dès sa sortie chez Gallimard. Et si vous voulez, très peu à la fin de la guerre, en 1946, il y aura le Bavard. Mais on voit quand même que là, il y a quand même quelques années qui sont très intenses. C'est à la fois la mort des plus proches, son père, son frère et son meilleur ami. Donc Jean de Frotté, je crois qu'il lui dédie... Il lui dédie les Mégères de la mer, et en même temps, ces amis, ces très proches, ces gens aimés qui tombent, et en même temps ces moments d'engagement et de prise de parole très fortes qui correspondent effectivement aussi à des accomplissements personnels, donc des moments au contraire de surgissement vitaux. Et là, quelque chose se noue d'assez fort. À la fin de la guerre, finalement, on se rend compte qu'il vit à Paris, il est revenu à Paris, il travaille un peu chez Robert Laffont, autour de vraiment vers 44-45. En 46, le Bavard sort. Et puis, je vais revenir sur le Bavard, mais... Finalement, pendant assez longtemps, quelques années, Louis-René Desforest va se faire une vie dans le milieu littéraire parisien. Ça fait qu'il a aussi une trajectoire, j'allais dire, qui n'est pas du tout une trajectoire marginale. Finalement, il va être placé, j'allais dire, au cœur du système, au cœur de la République des lettres très tôt, puisqu'il entretient des liens très forts avec Raymond Queneau dès la parution du Bavard, ou qui va susciter l'admiration donc, de Camus, de Blanchot, de Bataille, etc. Et puis, finalement, quand il revient à Paris, je crois, vers 1900, au début des années 50, je pense en 53, il revient à l'appel de Queneau, qui lui dit de venir travailler sur l'élaboration de l'encyclopédie de la Pléiade. Et en fait, il a à ce moment-là des amis incroyables. Il se lie avec, évidemment, Anthelme, Michel Léris, Michel Gallimard, évidemment, Maurice Blanchot, etc. Bon. Et alors, et Georges Bataille. Alors, si vous voulez, il est entouré des plus grandes figures intellectuelles et notamment littéraires de son temps, des figures de poètes qui sont tous des figures extrêmement fortes, avec des partis pris littéraires, des partis pris d'écriture. On pense à la part maudite de Bataille, par exemple, où est-ce que Blanchot peut écrire, lui, de son côté, comme critique, mais tout son travail autour de l'espace du roman. Il est immédiatement dans un univers où la littérature est au centre. C'est sa vie, donc il est extrêmement actif dans un grand nombre de revues. Il crée d'ailleurs une revue avec des poètes admirables et évidemment trop peu connus, que sont André Dubouchet, Paul Celan, Gaëtan Picon, et Yves Bonnefoy, bon, qui est un peu la figure plus connue de tous ces poètes. Cette revue s'appelle L'Éphémère, je crois qu'il l'a créée dans fin des années 50, et il est extrêmement actif pendant toute cette période-là dans cet univers des lettres, où il se taille finalement une place qui est une place extrêmement respectée. Lui-même a très peu écrit. En 48, il publie La Chambre des Enfants. Mais si vous voulez, à part quelques textes, bon, il y a eu 43-46, puis 48, et puis après, il y a un grand silence. Il publie quelques textes. Il s'engage en 54, il crée un comité contre la guerre d'Algérie avec trois personnalités encore éminentes, dont certaines sont là, Edgar Morin, par exemple, mais sinon Dionis Mascolo et Raymond Anthelme. Et si vous voulez, je pense qu'à ce moment-là, il navigue, il gravite dans ce monde des lettres. Il est extrêmement présent également à la NRF. Il publie dans la NRF. Il fait partie du comité de lecture à partir de 1966 jusqu'en 1983. Donc c'est ce paradoxe de Louis-René Desforest, qui est à la fois un être extrêmement secret, un être extrêmement discret, un être qui va publier très peu, qui a une production assez rare, hein, et qui en même temps se situe complètement au cœur du système, mais comme s'il en était finalement le point aveugle. Je trouve que c'est intéressant de montrer que jamais, si vous voulez, il a eu des prises de c'est l'inverse de la flamboyance et des êtres qui vont justement occuper le terrain. C'est une silhouette très, très réservée, mais qui travaille énormément et qui noue des réseaux de intellectuels très intenses avec les personnalités de son temps qui ont le plus qui sont à la fois l'avant-garde, mais qui sont ces groupes, ces hommes qui ont une recherche la plus active sur les modalités de l'écriture, les possibilités du langage, etc. Et je trouve que ça en fait un personnage extrêmement énigmatique, cette espèce de centralité et en même temps cette espèce de silence et de façon de construire comme ça un retrait. Et il écrira donc les Mégères de la mer paraîtra en 67. Bon, c'est un recueil qui rassemble d'autres, pardon, dont les poèmes de Samuel Wood, qui eux paraîtront chez Fata Morgana. Il publiera essentiellement soit au Mercure de France, soit chez Gallimard, soit chez Fata Morgana. Et puis en 97, alors voilà, c'est la parution d'Ostinato, qui en fait va le consacrer, mais va consacrer quelqu'un qui habite la littérature française depuis 40 ans, avec justement une espèce d'obstination et d'exigence et extrêmement stupéfiante quand on regarde bien. Mais c'est une vie néanmoins qui n'est pas une vie d'aventure, qui n'est pas une vie du dehors, qui n'est pas une vie de mondanité, qui est en fait une vie où peut-être la seule aventure aura été celle du langage, en fait, celle du rapport qu'il n'aura cessé de construire et de la méditation qui aura été la sienne, notamment sur la question du langage et évidemment celle de la littérature. Donc il meurt d'ailleurs le 30 décembre 2000, c'est une date que l'on retient parce que c'est presque le dernier jour du siècle, mais justement un jour avant le dernier. Et en fait, quand il meurt, c'est un mythe. C'est un écrivain, j'allais dire, c'est une sorte de mythe qui catalyse ce que le monde des lettres a de plus intense, a de plus exigeant. Et en fait, c'est un mythe méconnu, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment un espèce de personnage éminemment littéraire que s'approprient les critiques, les auteurs eux-mêmes. Il y a peu d'auteurs qui aura été autant aimé par les auteurs. Pascal Quignard a écrit sur lui. Richard Millet a écrit également sur lui. C'est un auteur qui a suscité l'attention des autres écrivains, mais tout en étant un auteur finalement assez peu lu, notamment au moment où il meurt. Je pourrais dire, il a peut-être même dans ses derniers textes, donc en 2001 après sa mort. Dans l'imaginaire Gallimard, on republie pas à pas jusqu'au dernier, qui rassemble encore des textes de lui, mais plus c'est beaucoup moins fragmentaire que Ostinato. C'est un texte qui se lit davantage en flux, c'est une méditation sur la mort, et il a une dimension, si vous voulez, au moment en 2000, c'est peut-être le plus grand écrivain français vivant à ce moment-là. Son œuvre est incontestée et absolument méconnue. Il est quand même saisi comme un grand écrivain, chose qu'il ne l'intéresse pas du tout, lui. Et en fait, voilà, il est cette espèce d'être mythique dont je crois qu'il y a une photo qui est là. Donc en plus, il faut voir que Louis-René Desforest, c'est évidemment à ce moment-là un visage avec ce regard noir, qui est un regard extrêmement perçant, un regard magnifique, très avec la pupille très très sombre, et en même temps voilà une silhouette très très élégante, très discrète, et ce nom, je dois dire, compte tenu de ma sensibilité au nom propre et mon goût pour l'onomastique, mais ma sensibilité pour tous les noms propres, je veux dire que la première fois que j'ai ouvert un livre de Louis-René Desforest, j'avais l'impression déjà que son nom était le premier vers d'un poème, enfin, avec l'idée de renaître, Desforest, etc. Enfin, je trouvais que c'était son nom instaurait déjà un paysage mystérieux. Et alors, c'est vraiment achever cette rapide présentation, c'est vraiment l'idée du mystère qui l'habite. Et ce mystère, je le voyais évidemment, se projetait pour moi dans son nom même, et notamment dans ce livre qui s'appelait Ostinato, donc un mot italien, un mot qui signifie l'obstination, mais qui est aussi un mot de musique, Louis-René Desforêts, on était face à un nom voilà, qui pouvait aussi bien être lui-même un héros de roman, un héros de conte. Et c'est comme ça que je l'ai saisi. Donc il y avait cet auteur vivant que moi je commençais à lire au moment où je commençais à écrire. J'avais 30 ans. Et finalement, c'est un auteur que j'ai lu à rebours. C'est-à-dire que j'ai commencé par Ostinato et puis je suis revenue finalement jusqu'au premier texte. Donc c'est étonnant de faire le chemin à l'envers, en fait, avec un auteur. C'est de pas de le prendre dans le temps où il a écrit, mais au contraire de remonter l'œuvre d'un auteur comme on remonte le courant d'une rivière, en fait. On repart. Et alors, ce dont on se rend compte, c'est qu'évidemment, et c'est ça que je trouve merveilleux, et c'est ça qui m'intéresse chez lui, c'est que c'est cette idée du mouvement qu'il y a quand on considère évidemment tous ces livres ensemble, c'est que ces livres sont eux aussi tracent un chemin. Donc il y a quand même l'idée d'une piste qui est vraiment qui me fascine. Donc cette œuvre, je la découvre à rebours d'Ostinato, et donc je remonte au Bavard. Et c'est cette idée d'avancer à contre-courant, et notamment d'avancer du fragment, puisque finalement Ostinato est un ensemble de fragments. Je vous en parlerai vraiment de manière plus développée tout à l'heure. Au flux, c'est-à-dire le flux, c'est le flux du Bavard. Le Bavard étant un texte d'un seul tenant qui n'est qu'un flux de mots. Et finalement, entre et les mendiants avant, mais si l'on regarde des textes importants, le Bavard et Ostinato, on voit qu'on est passé voilà, d'une production, d'une écriture en flux où il est question d'une parole qui déborde à, au contraire, un livre qui est absolument composé, rythmé musicalement, comme une composition musicale, et uniquement en fragments, avec une attention très particulière, notamment à la taille de ces fragments, qui sont de 2 lignes jusqu'à 3 pages. Alors, je suis tout de même, je dois dire, assez déconcertée quand même, parce que j'ai beau me passionner pour lui, Louis-René Desforêts, en plus je pense que l'aura de cet auteur, évidemment, contamine toujours un peu ceux qui le lisent. Alors je me sens très importante de le connaître à mon tour, et évidemment je veux savoir des choses de lui. Et je suis déconcertée quand même quand je lis Le Bavard, parce que finalement, c'est un livre qui n'instaure ou qui ne professe rien moins que la faillite du langage, la défaite du langage, la défaite presque dans le sens guerrier du terme. Il s'agit de faire rendre les armes au langage. Donc il y avait ces monologues des mendiants qui étaient qui le précédaient, mais finalement donc il y a ces longs monologues, et en fait ils sont tous résorbés dans Le Bavard, qui se donne à lire comme un seul déferlement. C'est vraiment le mot qui vient à l'esprit. Le Bavard est un texte qui se répand, qui prolifère. C'est un texte qui met en scène un langage totalement contaminé par lui-même et qui finit par ployer sous sa propre puissance, qui est miné, piégé de l'intérieur et finalement qui va déchoir. C'est cette histoire-là. C'est un récit vraiment sur la déchéance du langage, mais d'une déchéance qui passe d'abord par une illusion, qui est celle du héros du livre, qui est l'illusion de sa surpuissance. Alors, je vais vous lire un extrait de ce livre. Je vais quand même vous... Il y a un argument dans ce livre. C'est donc le narrateur qui écrit à la première personne du singulier, voilà, se rend un soir avec des amis dans un café, qui est aussi une sorte de dancing. Ils sont en bande, ils sont en groupe. Il y a pas mal, notamment, voilà, de pages où des forêts, voilà, expriment un petit peu ce que c'est que d'arriver en groupe ensemble comme ça dans un café bondé en fumée. Et là, il va déjà commencer à parler, puis voulant se rendre intéressant, va aller inviter une jeune femme à danser, mais cette jeune femme a déjà un cavalier. Il y a une forme d'altercation qui a lieu. Le narrateur obtient une danse avec la jeune femme, puis la ramène à la fin de la danse, éjecte de nouveau le cavalier qui également la convoitait, et il va commencer à parler à cette femme, et il va être complètement dans ce qu'il appelle lui une crise, c'est-à-dire va dans un espèce d'enflement d'enflement de la parole. Et finalement, cette espèce de, il va se donner en spectacle dans un espèce de moment de qui n'est pas d'ailleurs exactement ce que nous on appelle le bavardage aujourd'hui. Là, il s'agit beaucoup plus d'un moment où le débordement du langage. La jeune femme lui rit au nez, comme on dit, à la fin, un peu saisie, un peu étonnée quand même de ce personnage. Et de la démonstration de force qu'il lui impose, lui rit au nez. Et finalement, le narrateur va fuir le café, va partir dans la nuit. On est dans un port, voilà, on est dans un univers de ville portuaire. Et là, il va retrouver le jeune, dans ce qu'il appelle le petit rouquin, hein, qui est celui qui convoitait la fille, et une bagarre va éclater, et finalement il va pas avoir le dessus dans cette bagarre, et le livre va s'achever sur une espèce de profession de foi que le narrateur fait sur l'idée que dorénavant il va se taire. Alors je vais vous lire deux passages. L'essentiel pour moi, c'était de bavarder, peu m'importait de quelle nature était mon bavardage. Tout à l'allégresse de la délivrance, je ne me souciais pas des propos effarants que je tenais et dont je ne connaissais guère que les reflets sur les visages de mes auditeurs, tour à tour illuminés d'une curiosité ardente, grimaçant de dégoût, puis blancs d'indignation, comme ceux de jurés qui doivent entendre un accusé, un peu trop communicatif pour un homme que le remords devait accabler, mais parfaitement maître de lui, leur exposer froidement les crimes immondes qui l'ont conduit à se commettre devant eux. En d'autres termes, même si je devais penser que ce n'est pas ici le lieu de livrer à des inconnus certains détails intimes qui n'ont été révélés en public qu'à la faveur d'un accès maladif, même si une honte légitime m'empêchait de renouveler ici des confidences auxquelles je me suis toujours repenti, après coup, de m'être laissé entraîner, je serais tout à fait incapable de satisfaire la curiosité de mes lecteurs, et, je l'ai dit, je suis fermement décidé à ne pas fléchir et à tenir bon devant l'incrédulité de ces mêmes lecteurs, soupçonneux et déçus. Ils ne me feront rien, absolument rien ajouter de mon cru. La femme restait assise, silencieusement, à me regarder pérorer. Les sourcils froncés, les coudes sur la table, les tempes serrées entre ses deux poings enfantins. Elle ne me quittait pas des yeux, même lorsqu'elle saisissait d'un geste vif son verre qu'elle portait gloutonnement à ses lèvres, comme si scandalisée en même temps que fascinée par mes propos, que par défi je noircissais à plaisir, elle avait cherché dans l'alcool la force d'en supporter le ton. Pas une fois je ne la vis détourner son regard, elle observait mes lèvres, la tête penchée en avant et appuyée sur son poing droit d'où s'échappait la fumée bleue de sa cigarette qu'elle tenait précautionneusement, serrée entre le pouce et l'index. Elle était immobile, raidie dans une inaction étrange, dans un repos qui ressemblait plutôt à une tension épuisante. Je crois que je ne parlais pas aussi longtemps qu'il me parut. Le temps n'existait plus, ou plutôt j'étais hors du temps, car pressée de me soulager entièrement avant qu'on me fît taire. J'accélérais mon débit tout en redoublant de cynisme avec une précipitation étourdie qui me soustrayait au temps. affrontant sans crainte et sans honte le vent de colère que je sentais se lever du sein de l'assemblée des clients qui, pour la plupart, avaient afflué en rang serré vers nous. Je veux dire que le monde des préoccupations humaines était soudain suspendu, en quelque sorte endormi et contraint à un merveilleux armistice. Le temps était annihilé, les liens avec les choses extérieures abolis. Et cependant, à la jouissance que j'éprouvais à m'exhiber publiquement, se substitua peu à peu l'effroi que me causait l'expression devenue soudain très pathétique de cette femme et les grondements sourds accompagnés de petits sifflements de plus en plus désapprobateurs des clients qui s'agitaient derrière elle en discutant entre eux à voix basse et entendant parfois vers moi un détail accusateur. Je sentais qu'il y avait un parfum de désastre dans l'air. Les choses n'allaient pas aussi bien qu'il me semblait quelques instants auparavant, mais comme je l'ai dit, ce climat lourd de drame où baignait maintenant toute la salle, au lieu de me paralyser, me poussait au contraire à défier mon auditoire en soulignant d'un trait encore plus noir des aveux déjà passablement scandaleux. J'ai déjà dit aussi que je n'échappais pas au plaisir extravagant, mais si recherché par certains hommes soucieux de l'effet qu'ils produisent, d'intriguer par tous les moyens et souvent les moins honorables, et la curiosité se lassant de l'exciter de nouveau en allant un peu plus loin, puis beaucoup plus loin que la pudeur la plus élémentaire, d'ailleurs purement de principe, ne l'admet. Je crois pouvoir affirmer, sans qu'on puisse imputer ce jugement à un excès d'analyse, que les sentiments de curiosité, de répugnance et finalement d'hostilité qu'inspirait visiblement mon attitude satisfaisaient d'autant plus mon désir de parade qu'ils étaient plus violents. Je pouvais en toute lucidité m'abandonner à l'idée séduisante que j'étais le personnage de la soirée, héros, tête de turc ou ennemi commun, sur lequel convergeaient tous les regards, depuis celui d'une jolie fille qui m'écoutait avec une application que j'imaginais d'autant plus soutenue et scrupuleuse que mon débit était trop rapide pour elle, qui m'avait sans doute qu'une connaissance imparfaite de la langue française, jusqu'à ceux brillants de colère, d'individus et de créatures qui appartenaient pourtant à un milieu où l'on est assez peu porté à s'ébahir mutuellement. Et puis je vais vous lire la fin. Mais de même que vient un moment où la flamme la plus vivace se tord sur elle-même, baisse le nez en fumant, vacille pour finalement s'éteindre, de même, à la longue, le bavard le plus invétéré éprouve une irritation grandissante au fond de la gorge. Ses yeux se brouillent pour s'être trop longtemps fixés sur ceux de l'interlocuteur où il s'épuisait à ranimer une lueur d'intérêt. Il ne sait plus très bien ce qu'il avait à dire, ni comment le dire, et souhaite quelques bienfaisantes relâches, de sorte qu'il se produit en lui ce qu'il ne pouvait guère prévoir et ce que l'autre avait cessé d'espérer. Le silence, ce silence pour lequel il éprouve le mélange de terreur et d'attachement que détermine la seule approche des choses, à la fois attirante et dangereuse, prestigieuse et redoutée, ce silence aux lois arides duquel il n'a jamais consenti à se plier, qu'il n'a cessé de haïr, mais auquel il reste pourtant lié par une nostalgie cuisante, ce silence, il se surprend à l'appeler secrètement de ses vœux, si même un reste d'orgueil ou de crainte respectueuse le retient encore de faire le premier pas. Et c'est avec un soulagement joyeux que l'autre distingue chez son bourreau les signes de la fatigue qui sont aussi ceux de sa propre délivrance. Mais connaissant ses lâchetés, comment pourrait-il espérer se plaire longtemps en un pays morne et désert qu'il n'aime pas ? Il se trouve en quelque sorte dans l'état d'un homme qui, croyant avoir tout fait pour conjurer le sort contraire, doit se rendre à cette évidence que la partie est perdue, bien perdue. Ne lui reste plus même, dans les conditions où elle se dénoue, l'orgueil de l'avoir joué. Donc, je vais me taire. Je me tais parce que je suis épuisée par tant d'excès. Ces mots, tous ces mots sans vie, qui semblent perdre jusqu'au sens de leur son éteint. Je me demande si quelqu'un est encore près de moi à m'écouter. Il y a déjà un moment que j'ai le sentiment de m'obstiner à poursuivre un ridicule et futile monologue sur une place d'où le public déçu s'est retiré en haussant les épaules, mais telle est ma puérilité que je me réjouis à l'idée que ma revanche consistera à le laisser toujours ignorer si je mentais encore quand je prétendais mentir. Que pourrais-je encore dire ? Je ne suis pas à la hauteur de mon vice, je ne me suis d'ailleurs jamais vantée de l'être, mais dans l'ensemble, je suis arrivée à ce que je voulais obtenir. Je me suis soulagée, et qu'on ne me dise pas que ce n'était pas la peine. Or, maintenant, je suis là. Allons, messieurs, puisque je vous dis que je ne retiens plus personne. Voilà. Donc, il y a, il y a quelque chose qui s'ouvre, enfin qui s'amorce à la fin du Bavard, c'est cette question du silence. Alors dans l'œuvre de Louis-René Desforest, finalement, c'est le début de sa vie d'auteur. Hein. On est donc 1946, on est donc presque 50 ans avant Ostinato. Et voilà, et c'est donc ce « je vais me taire ». Alors on atteint à la fin du Bavard une espèce de profession de foi assez étonnante qui est voilà, la faillite du langage, l'impuissance du langage, la faiblesse du langage. Et il y a une espèce de dénuement, de dépouillement où se situe la vérité des êtres qui va attirer, magnétiser, j'allais dire, l'œuvre de Desforest à partir de ce moment-là. C'est-à-dire, ce qu'il va regarder davantage, c'est le silence, c'est l'idée vraiment d'une précision et d'une délicatesse qui lui permettrait d'atteindre ce qu'il appellera plutôt la vérité des êtres que la vérité des faits. Hein. Ce qui l'intéresse, ça va être la vérité des êtres plus que la vérité des faits. C'est ce qu'il va dire, dans un entretien qu'il donne à Patrick Kechichian, je crois, à la fin des années 90. Et pour moi, je le vois comme recherchant ou se mettant en situation de dénuement, de pauvreté, de dépouillement. Hein. Il se dépouille du langage. Hein. Il rend les armes. On peut l'imaginer comme un espèce de guerrier. D'ailleurs, il vient de faire la guerre d'une certaine manière. Ceux qu'il a aimés sont morts. Et on est aussi à une période qui est celle d'après le génocide. De la Deuxième Guerre mondiale, celle d'après la Shoah, celle d'après cette espèce de destruction du sens. Et finalement, quand il écrit Le Bavard, on est un peu dans cette espèce de période-là aussi. Et il est tout à fait possible que cette période des engagements de la littérature et de la mort des êtres aimés ait aussi fabriqué Le Bavard, c'est-à-dire... Voilà, on rend les armes, on se dépouille de ces armes, le langage ne peut rien pour nous, il ne peut rien sauver. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, cet écrivain, ce poète, va construire une œuvre littéraire sur cette position-là, en fait, sur la position que le langage n'est rien. C'est ce qui fait, je crois, que Louis-René Desforest est un auteur absolument fascinant. Hein. C'est vraiment cette idée-là qui est la mienne, mais je pense qu'elle est aussi partagée par d'autres lecteurs. C'est que voilà, toute son œuvre littéraire, donc tout ce qu'il va déployer comme écriture, comme mots, ne va jamais, va être tout le temps en fait tendu par l'idée qu'il ne pourra pas vraiment dire ce qu'il veut dire, que le langage est insuffisant à dire ce qu'il voudrait dire, qu'il y a de l'inachèvement, qu'il y a de l'inatteignable, qu'il y a de l'indicible, et qu'en fait il faut s'avancer finalement vers un continent de silence qui pourrait révéler finalement la vérité des êtres. On est donc dans une mise à distance du langage qui va permettre à Louis-René Desforest de trouver sa voix à partir de 1946, sa voix qui sera soit une voix, donc ce que je dirais, une espèce de supralangage, c'est-à-dire tout ce qui va excéder le langage, notamment on peut penser au bruit, notamment voilà, tout ce qui va écrire, par exemple, le bruit de la mer, les bruits de la nature, etc. Donc, tout un espèce de supralangage, ou au contraire, ce qui va être un infralangage, c'est-à-dire, pour moi, tout ce qui est de l'ordre de souffle, ponctuation blanche, taille des blancs dans les textes, etc. Tout ce qui est infra dans l'écriture, quoi. Donc... Et en fait, il va tisser une œuvre qui se situe finalement dans cette espèce d'épaisseur des sons, hein, soit au-dessus, soit en dessous, et en fait, naviguant finalement dans une marge, avec une marge de manœuvre qui est extrêmement exigeante et qui est extrêmement étroite. Je voulais vous lire un passage des Mégères de la mer, j'espère qu'on a un peu de temps. Écoutez-le qui grignote à petit bruit, admirez sa patience. Il cherche, cherche à tâtons, mais cherche. Saura-t-il du moins mettre en ordre, débarrasser, décrasser les coins et recoins de cette tête encombrée qui est la sienne, où il tourne en rond sans trouver sa voie, sinon quand le vent souffle à travers bois, quand la mer roule fort, couvre d'écume les digues, quand la nature met la langue à sa rude école et lui enseigne des harmonies sauvages, suaves aussi parfois comme la flûte d'un oiseau, qu'elles viennent de cet oiseau, même, ou du roulis d'un ruisseau. Donc, je voulais lire ce passage, parce que voilà, bon, ce recueil, Les Mégères de la mer, donc, arrive après 46, hein, enfin, en 46, et on voit, en 47, je ne sais plus bien, enfin, un peu après le Bavard, et on voit bien que... c'est un autre auteur déjà, hein, qu'il y a eu le bas, et que écoutez à petit bruit, écoutez-le qui grignote, il cherche à tâtons. Il y a eu ces moments de prolifération, de contamination, de débordement, d'enflement de la langue, etc. Et en fait, c'est comme s'il lui avait fait la peau et que il reprend le langage et finalement il le regarde autrement. Il y a eu un geste assez violent pour moi dans le Bavard, un geste extrêmement violent qui est aussi un geste de fondation et où il va vraiment créer à partir du Bavard et à cause du Bavard et à partir du Bavard comme socle et amorce aussi d'une position critique par rapport au langage et à la poésie, il va amorcer son œuvre. Alors, moi, j'étais plutôt donc dans une espèce de fascination, hein, lisant cette œuvre. Pour autant, je dois dire que je voulais parler un peu de ces moments de battement, et notamment, j'ai eu à un moment donné un désir d'éloignement, parce que précisément, moi, la méfiance de Louis-René Desforest par rapport au langage, j'ai souhaité la laisser de côté. Je l'ai lu et puis je l'ai moi aussi tenu à distance, mais comme on tient à distance ceux qui vous mettent constamment en garde et ceux qui vous disent constamment attention, dans le sens de la délicatesse. Et finalement, moi, je pense que j'avais à ce moment-là un désir, au contraire, très partir de... Parce que voilà, en 2000, j'ai publié mon premier roman, et c'est vrai que... ces 15 dernières années, j'ai eu le sentiment, au contraire, qu'a grossi en moi une forme de confiance dans le langage, en tout cas une affirmation du roman. Une affirmation d'une espèce même de croyance dans le roman. Alors, de fait, Louis-René Desforest m'est apparu aussi à ce moment-là comme un auteur beaucoup trop... issu de l'intérieur de la chose littéraire. Hein. Il était vraiment, par les sociabilités qu'il avait construites, par sa stature, par la façon dont il était saisi, c'était un petit peu la statue du commandeur, je dirais, hein, pour nous, pour moi. Et j'ai cherché après ça plutôt des espèces de portes de sortie, des marges possibles, assez éloignées pour moi. Ce qui m'intéressait, c'était de m'éloigner de la chose littéraire et finalement de couper court à une forme de mystique dont j'ai pensé à un moment que Louis-René Desforest était dépositaire, c'est-à-dire une mystique de la langue comme étant sacrée et justement pure, inatteignable, comme une espèce d'entité fuyante. Et cette mystique-là, je pense qu'à un moment donné, j'ai vraiment souhaité m'en éloigner et je m'en suis éloignée pour longtemps. moi, j'étais beaucoup plus, si vous voulez, attirée par une croyance dans le langage comme une possible entité radieuse et non pas une entité insondable et cryptée. Moi, j'avais un désir de roman, un désir de fiction. Je pense que ce sont évidemment des genres dont lui doutait énormément, notamment tout ce qui est de l'ordre du stratagème, de l'artifice, l'artefact, hein, le langage comme artefact, comme caisse de résonance du faux, comme une possible élaboration formelle capable de produire du faux, alors que moi je pensais que cette élaboration formelle dans la langue, elle pouvait au contraire produire des expériences. Et finalement je dois dire que à cet homme de l'intériorité qui m'a semblé à un certain temps rapatrié dans une langue un peu intouchable, inatteignable, fuyante, et aussi cet homme qui était un homme extrêmement admiré, un homme de l'intérieur, vraiment, encore une fois, qui occupait le centre symbolique, hein, du pays des lettres qui est le nôtre, j'ai souhaité m'éloigner. Et j'ai plutôt écrit mes livres à ce moment-là, j'allais dire, sans lui, mais dans sa présence. Alors voilà, c'est une articulation un peu paradoxale, mais dans sa présence. Moi, j'ai senti que parfois j'ai usé et abusé du langage. Je pense que d'ailleurs, dans mes livres, il y a parfois de la surchauffe. Il y a parfois cette idée que il y a un lyrisme, je me sens moi-même emportée. Je n'ai pas forcément cette idée de me dire... attention, quoi, le mouvement de la prolifération, ça peut être celui d'une vague qui va me porter. J'ai parfois eu l'impression voilà, d'user, d'abuser, peut-être parfois aussi d'abuser. Et en même temps, je pense que à ce moment-là, j'avais aussi besoin de m'affranchir d'un auteur assez impressionnant, qui est cet auteur mutique, assez taiseux, quelques entretiens, très peu de livres, et le tout étant si admirable. Et moi, j'avais plutôt une envie d'extériorité, du dehors, pas de jeu narratif, aller puiser à l'extérieur tout ce qui pouvait me désigner. Et finalement, je suis passée par Louis-René Desforest comme pour puiser de quoi me sentir, moi, un peu plus... j'allais dire un peu plus affranchi, hein. C'était pour moi, c'était une figure finalement paradoxale. Je me sentais un peu mauvais genre, un peu voyoute, un peu brigande, un peu délurée par rapport à cet auteur dont la rectitude et la tenue m'impressionnaient, mais moi mes désirs à l'époque étaient autres. Et je dois dire que voilà, le retour n'en a été que plus étonnant. C'est-à-dire que les moments où j'ai repris Ostinato, l'année 2012, je l'ai repris aussi parce que j'étais moi-même dans un deuil privé et que Ostinato, il y a quand même quelque chose qui est travaillé dans ce texte, c'est l'expression d'une douleur qui est la douleur de la mort de la fille aimée, hein. Louis-René Desforest s'est marié, je crois, en 46. Il a eu deux enfants, un garçon et une fille, et sa fille est morte. Et je pense qu'il y a quelque chose... Donc c'est un livre qui organise des temps, comme ça, l'enfance plutôt rurale, enfin des images d'enfance rurale, l'enfance entre Paris et le Berry, le pensionnat, le rapport à la mer, voilà, l'amour, la question de la filiale. Et Ostinato va traverser un peu tous ces thèmes, mais alors sans aucune chronologie... enfin, sans date, hein. C'est une espèce d'autobiographie par éclat et qui n'a pas de date. Et donc moi j'ai repris Ostinato à ce moment-là et je dois dire que j'ai d'abord compris peut-être tout ce que je dois à cet auteur et aussi tout ce qui me reste de compagnonnage à accomplir avec lui. Et notamment, je crois que ce que je lui dois, et là, c'est quand même cette idée que malgré tout, il y a l'idée que la langue, l'écriture, c'est quand même un moyen de mettre en branle la conscience, le corps et l'imaginaire. Et aujourd'hui, voilà, j'ai conservé de Louis-René Desforêts, d'Ostinato, voilà, plusieurs choses. Donc, comme le temps passe, je vais accélérer un peu pour les dire. Donc, il y a la question, pour moi, centrale de la voix, dont j'ai un peu parlé. Je pense qu'elle vient beaucoup de la manière dont Ostinato a irradié et a quand même été un événement dans ma vie de lectrice. Cette question de la voix, que je distingue de la question du lyrisme, mais il y a aussi la question du lyrisme. L'idée aussi que c'est finalement de la langue et de l'écriture que tout s'amorce, que tout part. Et notamment la question du souvenir, ce qui est admirable dans Ostinato, c'est que voilà, c'est une autobiographie par éclat, par fragment, mais qui, il dit que c'est pas l'idée pour lui, c'est pas de raconter un souvenir, c'est de la langue que tout part et non pas de la mémoire. Ça, c'est quand même assez étonnant. Et l'idée, alors peut-être qui m'est la plus chère, qui est que cette espèce de posture très radicale qui est la sienne dans le par rapport au langage, elle me fait penser que pour moi, la littérature, mon idéal de livre, enfin, idéalement, l'idée que je me fais de la littérature et qui pourrait être idéalement celle que moi je pourrais écrire, produire, c'est un texte où il y aurait voilà, la présence de l'archaïque et du contemporain ensemble. Ce sont des espaces-temps où finalement l'archaïque et le contemporain tiennent rendez-vous, ont un rendez-vous secret qui se noue dans une fiction. Et ça, je pense que c'est réellement la pensée, la façon dont Louis-René Desforêts a manifesté son intérêt et sa position par rapport au langage qui me la donne. Et enfin, pour finir, quelque chose qui ne cesse de m'interroger, c'est l'idée du silence. Qu'est-ce que la littérature peut faire du silence? Comment est-il possible que le roman, la nouvelle, la poésie puissent atteindre la puissance du silence? Et qu'est-ce que nous pouvons en faire et qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce qui s'articule finalement entre le cri et le silence, entre la prose et le silence? Et quand je disais que cette question de la voix m'intéressait, finalement pour moi tout est lié, c'est-à-dire que l'oralité de Louis-René Desforêts, son rapport à la voix, à la musique, à la composition, notamment parce qu'il écrit donc en fragments, et que qui dit fragment dit rythme, composition, couture, soudure, créer des échos, gérer les résonances, créer et notamment gérer la gestion des blancs, on en a parlé. Pour moi, tout ça, finalement, a quelque chose à voir avec le poème. Et dans l'idée que, pour moi, la littérature, voilà, mon idéal de littérature est celle où il y a ce rendez-vous entre l'archaïque et le contemporain, mais c'est évidemment celle où le poème est là, présent sous le texte, et présent sous le roman. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'il faut faire monter le poème dans l'écriture, alors même que l'on interroge le monde contemporain avec les outils qui sont ceux du roman, et que le roman, il progresse avec une intelligibilité qui est la sienne, qui sont des situations, des personnages, etc. Il faut que le poème soit là, parce que le poème, ça nous ramène à quelque chose d'un socle de sens qui est une espèce de conception et de présence du langage, mais le langage comme étant un matériau archaïque qui est partagé. Et pour toutes ces raisons, la relecture d'Ostinato a été un moment extrêmement fort pour moi, et j'ai mesuré en le relisant voilà que, ce que finalement ce que la façon dont cet auteur peut laisser une ombre portée dans mes textes qui a priori lui par rapport à Louis-René Dupré, j'ai moi-même une écriture et aussi des livres qui semblent extrêmement éloignés de ce que lui... moi, je suis plutôt dans la vérité des faits. Je ne m'intéresse pas à la vérité des êtres, mais moins accessible. Je suis plutôt dans des envies de concret. Ostinato n'est pas du tout un texte concret. C'est une autobiographie où il y a assez peu de lieux, où il n'y a aucune date, aucun lieu. On est juste sur des fragments. Il y a des séquences assez poreuses. Il n'y a pas d'espace, mais il y a des matières. Et finalement, malgré tout, il y a une radicalité, une expérience limite dans Ostinato qui ne cesse de m'éblouir, parce que finalement, ce que ça catalyse, c'est quelque chose sur lequel on revient sans cesse et qu'on bute comme la vague, revient sur la grève, c'est l'espèce de mystère finalement, le mystère qui est quand même présent, mais alors pas dans sa dimension sacrée, mais plutôt dans sa dimension assez prosaïque, et que il y a une espèce de tournoiement dans ce livre qui fonctionne par rapport à une espèce d'épicentre qui serait justement cette conception du mystère et du silence. Et finalement, qui organise toute une vie autour de ça, toute une vie d'auteur, toute une vie d'écrivain et toute une vie de poète. Donc, avant que l'on se sépare, je vais vous lire trois brefs passages. Alors, je trouve que sur le plan des thèmes, Louis-René Desforest est pour moi un des plus grands auteurs de l'enfance. Enfin, c'est celui qui a pour moi la plus grande délicatesse, la plus grande empathie à saisir ce que peut être l'enfance. Et les pages d'Ostinato, les premiers, donc la première grande séquence, ce sont des fragments d'enfance. Donc je vais vous lire quand même ce qui préside au recueil. Ce ne sont ici que figures de hasard, manières de traces, fuyantes lignes de vie, faux reflets et signes douteux que la langue en quête d'un foyer a inscrit comme par fraude, et du dehors, sans en faire la preuve ni en creuser le fond, taillant dans le corps obscurci de la mémoire la part la plus élémentaire, couleur, odeur, rumeur, tout ce qui respire à ciel ouvert dans la vérité d'une fable et redoute les profondeurs. Donc ça, c'est l'intention du livre, qui est quand même assez admirable. Et par exemple... Un premier fragment. Cavalcade de gamins court-vêtus, hôtes au dos, culottes retroussées sur des jambes terreuses, journaliers bénévoles ou d'occasion pour quelques sous, fiers comme des princes du sang escortant un équipage royal. Coups sourds des barriques, charroyés à travers champs jusqu'au ventail béant du cellier, taillé en pente douce dans le roc, pareil à la cale d'un bateau où fume la fange vineuse sous la meule des pieds déchaussés. Les plus agiles, juchés sur la gigantesque margelle de bois, savourent le spectacle sphérique de ces travailleurs des ténèbres, titubants, épaule contre épaule à la lueur orange d'une lampe tempête. Le soir venu, une odeur forte et douce enrichit les visages d'une gaieté divine. On entonne sous la voûte des refrains scabreux. C'est l'heure de rameuter les enfants étourdis de sommeil qui renâclent pour la forme. Alors, deuxième très, très court extrait. Un si grand étonnement d'être en état de vie qu'il cherche à perte de mémoire les traces obscures de sa première mort, mais nul fil pour conduire à rebours jusqu'au nœud de la trame. Autant d'efforts chimériques pour perforer l'épaisseur de ce très dur minerai qui ne se laisse pas détruire et interdit tout accès au désert sans énigme de la nuit immémoriale. Ensuite, je voulais vous lire quelque chose d'un petit peu plus allongé. plutôt sur la fin du texte, là où les questions des chemins. À se tracer un chemin ou à suivre un chemin déjà tracé, il court également le risque de se fourvoyer, et qu'il le sache bien, dans les deux cas, il n'y aura aucun signe pour l'en avertir, pas même la vilaine grimace du doute qui l'accompagne sans le guider, tout juste bon à ralentir sa marche, qu'il poursuivra donc aussi obstinément qu'en vain, aveuglé par un reste de foi en son étoile depuis longtemps éteinte, continuant à chercher, tantôt avec fébrilité comme s'il y allait de sa vie, tantôt calmement comme pour vérifier qu'il ne trouvera rien. Voilà, ça c'est un petit peu l'humeur d'Ostinato. Et puis, je voulais vous lire un passage de la fin de À la dérive. Bon, alors ça c'est... La joie d'être seul à nager de l'un à l'autre bord de l'étier survolé par les mouettes qui remontent avec la mer dans la brume lumineuse de l'aurore. Celle de courir ensuite pieds nus sur le sable frais au plus près du rivage, qu'entament les vagues de toute leur vigueur fracassante. La volupté de sentir un instant son propre souffle s'accorder aux cadences de la nature, et tête la première, bras grands ouverts, s'y fondre en une charnelle étreinte. C'est au petit matin d'un jour d'été le bonheur animal de l'enfance, sa fougue retrouvée, le bienfait du sel sur la peau rougie par la claque de la houle, tonique hydrothérapie, bain de jouvence pour le vieux crabe qui, rejeté sur la grève, n'y avance pas moins tout de guingois en claudiquant et grimaçant à chaque pas. Voilà. Je vous remercie. Un grand merci. Je suis désolée pour la voix. Si vous avez des questions, je passe avec le micro. Bonjour. Je voulais savoir si vous l'aviez rencontré. Non, je ne l'ai pas rencontré parce que finalement, d'abord, j'ai connu son existence 3 ans avant qu'il meure. En fait, il vivait près de Saint-Sulpice. Et jamais j'aurais même rêvé le rencontrer. C'était aussi quelqu'un d'extrêmement secret qui vivait dans un cercle assez restreint. C'était pas quelqu'un que l'on rencontrait comme ça. Vous pouvez peut-être le croiser lors d'une promenade, parce que c'était quelqu'un qui marchait beaucoup par ailleurs, mais je ne l'ai pas rencontré. Vous nous avez parlé de l'intérêt que vous avez pour cet homme, cet écrivain, que j'ai lu. Mais il y a une chose dont vous n'avez pas parlé et qui, moi, m'avait énormément frappée, c'est sa noirceur. J'ai trouvé quelqu'un de très désespéré, nihiliste, très noir, et vous n'en avez pas du tout parlé. Alors moi, je ne l'ai pas lu comme ça. C'est vrai que je pense qu'il y a des pages très très sombres dans Ostinato par ailleurs, qui sont pas jusqu'au dernier. C'est surtout aussi un texte qui est une méditation sur la mort à venir, en fait, hein. C'est un texte effectivement très sombre, mais alors là, pour le coup, qui est totalement écrit sous l'angle de la mort, en fait, hein. Qu'est-ce que mourir, c'est plutôt dans ce sens-là que je l'ai lu. Mais sinon, je trouve que c'est un auteur assez singulier, dans la mesure où, enfin, je pense que ses éclats sont noirs aussi, mais il y a aussi de l'éclat. Quand on lit Ostinato, ce sont des espèces de sensations comme ça qui sont jetées. La dernière, voilà, sur l'hydrothérapie tonique, mais il y en a plein d'autres, notamment sur le son, la présence de la nature revient extrêmement vif. Moi, c'est des choses qui me touchent énormément. Après, je pense que là où il est extrêmement noir, c'est dans Le Bavard. C'est un texte qui est extrêmement violent et qui est un geste aussi de détestation de la langue et du langage. Mais pour l'heure, je pense comme vous qu'il y a une noirceur chez lui. Après, c'est pas ce que moi j'ai eu envie de résorber, de partager ce soir. D'autant plus que je pense que c'est une noirceur qui est essentiellement raccordé à un sentiment, au sentiment de sa finitude et aussi à la perte des êtres aimés. Je pense quand même, après qu'à partir de 46, qui est vraiment, il est tout jeune, mais néanmoins, c'est un être qui a été violenté aussi, qui se manifeste. Enfin. Si je peux juste ajouter quelque chose, pour utiliser un oxymore, c'est comme vous l'avez dit, c'est une noirceur éclatante, en fait, qui est due au deuil. En revanche, je pense que c'est pas du tout du nihilisme. En vous écoutant parler, en fait, je pensais beaucoup à Beckett, parce qu'on oui. on pense beaucoup à Beckett quand on dans ce que vous avez dit, et la différence. C'est des cousins, mais ce sont pas des frères, non. quoi. C'est-à-dire que le nihilisme qu'on peut avoir chez Beckett, on le retrouve pas, à mon avis, on le retrouve pas chez des forêts. On retrouve cette noirceur qui est issue du deuil, etc. Mais ce qu'on retrouve effectivement qui les rapproche, c'est ce travail sur le langage qui, au départ, est un langage, une défaite, comme vous l'avez bien dit. Et en même temps, c'est cette défaite qui leur permet d'écrire jusqu'au bout, en fait, ouais, et qui est toute une vie. C'est cette défaite sur laquelle ils construisent leur œuvre. Enfin, c'est ça qui est quand même sidérant, mais Beckett aussi, d'une certaine manière. Ouais, c'est vrai. Mais après, cette histoire de la noirceur, elle n'est pas fausse, parce que je trouve que je dirais, il n'y a pas de tristesse. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement vif quand on le lit. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression. C'est extrêmement vif. Mais il y a une violence et il y a du combat, même dans Papa jusqu'au dernier. Enfin, c'est une méditation. Il revient en permanence sur ce qui le hante. Ostinato, il a mis 25 ans à l'écrire. Il revenait tout le temps sur ses textes, il a lâché très très peu de textes, parce qu'aussi il y avait quelque chose de si fondamental, de si important à livrer. Mais je dirais pas qu'il était nihiliste non plus, mais en revanche je pense qu'il a une part noire. Oui, c'est vrai. Bonsoir. Donc, vous avez dit que vous en étiez à écrire votre premier roman quand vous l'avez découvert, donc c'est pas lui qui a suscité votre vocation. Non. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a d'autres écrivains qui vous ont vraiment aussi beaucoup marqué ? Oui, mais alors moi je pense aussi que, si vous voulez, ce qui me plaisait dans ce moment ce soir, c'était d'essayer, moi, d'élucider. Ces voix, ces auteurs qui font trace chez moi, parce que ce que je trouve formidable dans l'idée de l'influence, c'est que c'est une trace, elle est tangible, on la voit, on la sent. Par exemple, l'auteur qui a vraiment influencé sacrément ces dernières années, que j'ai beaucoup relu ces 5 dernières années, c'est Claude Simon, par exemple. Je l'ai énormément relu, mais après il se perçoit pas forcément, peut-être à des moments où la phrase gonfle, etc., où elle s'étend. Qui est d'ailleurs quelque chose que Louis-René Desforêts a aussi en commun avec lui. Mais je pense que Claude Simon, qui est un auteur que j'ai lu quand j'étais étudiante et que j'avais trouvé illisible, en fait, hein, beaucoup trop difficile. J'avais le sentiment que c'était beaucoup trop dense, beaucoup trop compact. J'étais totalement... je n'éprouvais aucun plaisir. J'avais le sentiment d'être assez étouffée dans cette prose. Finalement, quand je l'ai relue, j'ai été assez émerveillée, ce qui fait que soi-même on change, par exemple. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est que soi-même on change. Alors il y a des auteurs, en revanche, pour lesquels, quand on les relit, on retrouve immédiatement ce que l'on avait aimé chez eux et qui vous plaisent toujours autant. Moi, les auteurs qui ont quand même beaucoup compté pour moi et qui sont présents avant le fait que j'écrive, moi, hein, dans les... c'est quand même des auteurs extrêmement classiques du 19e français. J'ai énormément lu Flaubert, Balzac, Zola, qui sont trois espèces de murs porteurs pour moi. C'est vrai que j'ai eu l'impression de lire mon premier livre littéraire en lisant Paubouille de Zola, et qu'il y avait quelque chose d'assez magique pour moi dans ces livres qui instauraient des mondes, mais des mondes avec des machines, avec des personnages, avec des histoires, et sur le long terme. Après, je dois dire qu'il y a eu un temps de formation, mais ça, c'est des temps de formation, c'est le temps scolaire. Hein, Après, quand j'étais un peu plus livrée à moi-même, c'est vrai que j'ai lu aussi des auteurs étrangers. Et notamment, j'ai eu un temps où j'ai lu beaucoup d'auteurs américains, et je pense que ça a pas mal compté. Livrée à moi-même, exactement. Et là, j'ai lu beaucoup, par exemple, et c'est assez rare parce que je crois que je l'ai fait que pour lui et pour Pierre Michon, c'est de lire tout un auteur d'un coup. Vous voyez, par exemple, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Vous voyez, Louis-René Desforest, je vais tout lire. Je ne fonctionne pas comme ça. Et ben, pour, par exemple, Gatsby, le magnifique. Ouais, j'ai lu tout d'un coup. J'ai lu, et alors vraiment, mais je crois 16-17 ans, j'ai lu tout de lui. Et après, j'ai eu un peu cette espèce d'attitude avec Michon, c'est des espèces de moments de fascination où l'on se collerait volontiers à un auteur. Mais Desforest, c'est beaucoup plus compliqué, d'abord parce qu'il a beaucoup moins écrit, et après, c'est aussi un jeu de piste, parce qu'il a beaucoup publié plutôt en revue, et que c'est... pas la même chose. Les poètes, ils peuvent vous entourer, ils sont toujours là. C'est des textes qui sont souvent plus courts. On lit rarement un recueil de poèmes d'un trait. Et pour moi, Louis-René Desforest sont, je veux dire, pour quelque chose sur lequel je me suis pas, parce que j'ai eu l'impression d'avoir été un peu longue, j'ai un peu cavalé vers la fin, mais il y a l'idée que ce que j'admire et ce qui m'intéresse, voilà, ce qui m'intéresse surtout chez lui, c'est qu'il est dans une position totalement singulière par rapport au genre. C'est-à-dire qu'il est, il écrit de la fiction, mais en même temps de la prose. En même temps, il a une œuvre poétique, et puis il a une œuvre critique, et puis il s'arrête 10 ans entre, je crois, 55 et 65, il arrête tout, il se consacre à la peinture, il a des absences, il revient, enfin, je veux dire, mais il est un peu au carrefour, quoi. Ça m'étonne pas qu'il soit, j'ai toujours l'idée comme quelqu'un qui est très au centre, qui est dans l'espèce de l'épicentre un peu de ce qui peut s'écrire, etc. Mais je pense que ça tient aussi à l'idée qu'il est un peu aux prises avec différentes écritures en même temps. Moi, j'ai plutôt lu quand même des romanciers. C'est plutôt le roman qui m'attirait. Et par exemple, je lis aussi beaucoup les auteurs d'aujourd'hui, et il y en a qui m'impressionnent énormément. C'est vrai que la lecture de Pierre Michon, ça a été un moment très daté pour moi. Je l'ai lu plus tard, plutôt... au début des années 2000, c'est vrai, à peu près au moment où il a écrit Rimbaud le fils, et puis après, hop, c'est vrai que je suis revenue aux vies minuscules, mais par Rimbaud le fils, en fait, alors que c'est vraiment son... Voilà. Et après, si vous voulez, moi, je pense que l'intérêt, c'est d'avoir une vie de lectrice, c'est-à-dire de rester attentive et de lire les classiques comme des contemporains. C'est-à-dire que moi, j'ai un rapport à Balzac qui est un rapport, même rapport que j'ai avec un auteur contemporain. Ça ne m'intéresse pas de le lire comme un classique. Je pense que ce qui est intéressant, c'est finalement c'est l'idée qu'au bout d'un certain temps de lecture, on est face à des livres, on est moins face à des... voyez, face à des univers qui se définissent par genre ou par époque, etc. Ouais, mais c'est aussi un auteur qui a oui, mais à ce moment-là, Zola aussi, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des dimensions. Mais vous savez, on peut le lire aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait une manière de lire la société d'aujourd'hui avec les livres de Balzac, par exemple. Mais voyez, par exemple, quelqu'un comme Pérec, C'est quelqu'un que moi, je n'ai pas lu si tôt. Voilà, que je trouve vraiment fascinant pour le coup. Ça a été génial pour moi de découvrir cet auteur, de le lire, notamment dans l'idée qu'à part depuis maintenant peut-être 4-5 ans, je m'intéresse beaucoup à la question de l'espace dans la littérature, et notamment de la géographie, de la question du paysage, etc. Et la lecture de Pérec, ça a été, voyez, un... C'est-à-dire que moi, je pense qu'aussi que pour être que j'écris parce que je lis parce que j'écris, que pendant que j'écris, j'ai toujours plein de livres avec moi, que je ne pourrais pas écrire sans ces livres. Et qu'en fait, avant presque d'écrire, il faut que je rassemble les livres qui vont accompagner ce que j'écris, même si ils n'ont aucun rapport. Si vous voulez, ce n'est pas en termes de thème où je cherche des gens qui ont écrit sur... C'est juste que... je pense que mon premier travail, avant de par exemple, l'idée Cadio, par exemple, il est là, Didier Huberman, j'en sais rien, vous voyez, des auteurs qui, je sais que c'est que ça va être des compagnons de route, quoi. Et en fait, j'écris avec ces livres-là dans les pattes, en fait, vous voyez, enfin, dans les mains, dans les... je vois pas du tout ce que serait l'idée d'écrire sans lire. Et d'ailleurs, Desforêts était un très très grand lecteur. Il était surtout un très très grand lecteur d'auteurs du 19e. J'ai appris ça très récemment en regardant un petit peu tout ce qu'il avait dit de lui pour ce soir. Mais il disait que quand il écrivait, en revanche, il lisait assez peu. Or, moi, je pense que lire et écrire, c'est quasiment la même chose. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est la même, c'est les deux, c'est le recto et verso de la même feuille. Je ne pourrais pas... d'abord, parce qu'aussi, écrivant, je me lis. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que déjà, moi, j'ai une pratique, je me lis à voix haute, je me lis quand j'écris, je ne cesse de lire quand j'écris. C'est comme un espèce, c'est plus que de l'essence dans le moteur. C'est une pratique qui articule totalement les deux activités. Après, je lis pas autant que j'aimerais lire, mais pour moi, la lecture, c'est une vigilance, c'est une disponibilité, ça s'articule avec l'écriture. D'autres questions? Et on a un micro. Je l'oublie systématiquement les autres soirs, mais là, je l'ai pris parce que je n'ai pas de voix. N'hésitez pas, Maïlys de Karanga, vous avez vu, elle est très, très sympathique. Elle parle très bien de la littérature, très bien de son écriture aussi. On s'arrête là. Ben, merci à vous et un grand merci, Maïlys.